Chapitre 3e. L'homme de la nuit. Les 12 notes de minuit drapèrent leur onde sonore sous la ville. Tout dormait. Seule une lumière, celle du guetteur de nuit, veillait à l'une des échauguettes du château royal. Les dernières vibrations de la cloche s'éteignirent et de réchef le silence régna. Alors une forme noire sortit d'un buisson du parc, glissant, rampant plutôt dans l'ombre. C'était un homme enveloppé d'une longue cape que ne relevait aucune épée. Il fit quelques pas, courbé vers la terre, attentif à ne pas éveiller le bruit des graviers sur l'allée qui menait au commun du château. Tout en avançant, il épiait, la main sur le manche d'une dague passée à sa ceinture, car si cet homme ne portait pas d'épée, il avait un poignard. Tout à coup, il tressaillit, s'arrêta. Une autre ombre venait à sa rencontre. Celle-ci était une femme. Vite, elle s'approcha de l'individu d'une démarche légère et hâtive. « C'est toi, Procopio ? » murmura-t-elle. « C'est moi, Sylvia. »« Tu es exact, c'est bien. »« Je suis toujours exact pour le service du marquis de Porto Carrero, mon maître, » répliqua l'autre à voix basse. Ils échangèrent une poignée de mains familières et complices en gens du même monde, accoutumés aux mêmes besognes et solidaires dans leur exécution. « Eh bien ?» demanda Sylvia. Le marquis désire savoir ce qui s'est passé après le départ de l'ambassade vaticane. Il veut être renseigné avant le retour du légat qui sera long, puisqu'il se fera par l'Espagne. Je suis venu mêlé à la suite de Fieramonti. Je me suis caché comme il était convenu. Je repartirai demain. Que dois-je dire à mon maître ? Navarre n'a rien laissé entrevoir de ses projets. Ah ! fit Procopio, désappointé. Et moi, perdu parmi les caméristes, je n'ai pu l'approcher, ni quelqu'un du palais. Que va dire le marquis ? Et qu'il y vienne lui-même ! Il verra si c'est facile. Mais il y a mieux à faire qu'à interroger ou espionner. Le roi, si tu le veux, sera ce soir à ta merci. Que dis-tu ? La vérité. Dans la nuit de chaque samedi à chaque dimanche, et nous y sommes, il va retrouver dans la ville la belle Madame Pérolade, la femme du gantier de la cour. Oh, ce ver galant ! Il passe justement par cette allée, vers 1 h du matin. Il est seul. Tu as ton épée ? Non. Cela m'aura fait remarquer. Mais j'ai une dague. Car tu connais le dicton, ma chère, il est deux choses que l'on trouverait malaisément sous le ciel, un Italien sans poignard et une Italienne sans amant. Or, quoi que serve l'ambassadeur du roi d'Espagne à Rome, je suis un Italien, per Dio. Je suis une Italienne et je n'ai pas d'amant, Madone, soupira Sylvia. Ainsi, tu ne sais rien de ce que tu devrais savoir. Avec tes yeux de démon et ta mince taille de nonne, tu devrais te faire aimer de ce paillard de Henri. Sensible reproche, Sylvia ne répondit rien. « Voyons, » reprit Procopio. « Tu dis qu'il va passer par ici ?»« Oui, à 1 h. »« Christo !» murmura l'homme. « L'occasion est tentante. Si cette dague-là perçait le cœur du roi, le marquis me l'achèterait au poids de l'or. Et je m'en vais demain. » Il réfléchit une minute. Sylvia attendait. « Pars, » ordonna-t-il à la suivante. « Ton indication est précieuse. Ne te compromets pas. » Toujours tes lettres par l'Espagne. Laisse-moi. Au bon revoir. Elle lui tendit la main qu'il prit et laissa, avec impatience. Tout entier déjà à l'œuvre de mort qu'il méditait, Procopio n'éprouvait même pas l'envie de baiser les lèvres fraîches et jeunes de Sylvia. Resté seul, il regarda un instant autour de lui. En avant, le château, derrière, la ville. La direction que suivrait le roi était facile à connaître. Procopio s'orienta aussi pour retrouver le chemin propice à sa fuite. Bientôt, il dressa l'oreille. Un pas faisait crier le sable du côté du château, un pas décidé et jeune, un pas de conquérant ou d'amoureux. Une silhouette apparut à un croisement d'allées. Prompt et souple comme une couleuvre, l'Italien se blottit dans un coin d'ombre feuillu. Il attendit, le cœur martelant sa poitrine. Le roi de Navarre allait passer. Et lui, il n'aurait qu'à allonger le bras pour le frapper à mort. Voilà qui serait plus décisif que la démarche de Fieramonti. Un sourire traversa l'émoi du drôle. Et Sylvia était tout de même une auxiliaire utile. Le roi arrivait vite, un homme pressé. Procopio surprit ce fredon. Pour l'amour de ma belle, j'ai quitté mes amis. Attends, murmura l'homme de Porto Carrero, en assurant sa main sur la poignée de sa dague. Le roi passa. Procopio bondit, silencieux, tel un tigre. À la même seconde, celui qu'il allait assassiner mu comme par un avertissement secret, se tourna de son côté. Il vit l'attaque et lui hurla la lame dans l'ombre. « Hé, l'ami !» Un saut en arrière, une épée qui flamboie, un magnifique coup d'estoc, Procopio était par terre. Sans s'occuper autrement de lui, le vainqueur rengaina en disant avec tranquillité « Foi de Givry, les allées du parc ne sont pas sûres. Dépêchons-nous, Roselin, pour ne pas être en retard et dignement remplacer Henri. » Il ne fallait pas que le délégué amoureux du Béarnais, peu en train après cette journée, fit attendre la sémillante Gantière. C'était plus urgent que de s'attarder à ce maraud durement estocadé.